à ta peau, je pense à ton cou, à tes hanches qui se déhanchent. Je pense à tes reins, je pense même à tes genoux. Ce qu'ils en pensent, je m'en balance. Moi je suis si bien sur ton vélo, je me sens comme un courant d'air. Quand tu pédales, Cuba est beau, comme 60 ans en arrière. Je m'en fiche si tu te moques de moi. Je m'en fiche si tu te joues de moi. Je m'en fiche, moi je te crois. Je pense à ton accent qui me donne chaud, même quand je comprends tout de travers. Je pense à ton sourire idiot quand l'avion est parti sans moi hier. Je pense à tes mains sur mon dos, maladroite mais pas peu fière.